C'est Lionel sur Énergie, très bon week-end. Énergie Music Awards 2013. Bon, c'est un truc de ouf, je fais ma première émission de radio aujourd'hui sur un yacht, le yacht Énergie dans le port de Cannes avec un public en délire devant le bateau, un truc de ouf. Et avec vous tous dans toute la France et avec Kinvé qui est venu nous retrouver sur le bateau. Salut Kinvé. Salut, salut. Le marathonien de ce week-end Energy Music Awards. Hier soir chez Koé. Déjà hier soir le concert la Before. Ouais. Ensuite chez Koé. C'est ça. Ce matin chez Manu dans le 6-9. Ouais. Et là t'es là cet après-midi. Et après je vais faire une sieste pour être en forme ce soir. Bon, et c'est que des bons souvenirs, Cannes. La vie elle est belle. Ah oui, oui, non, c'est cool. Bah oui, la vie est belle. Hein ? Ça tombe bien, oui. Ça se passe bien. Pression pour ce soir. Révélation des Energy Music Awards, révélation francophone l'année dernière. Ouais. Cette année deux nominations. Artiste masculin francophone, chanson francophone. Ouais. Il y a du stress, il y a pas de stress. Ah si, si, il y a du stress, ouais. Là, parce que il y a du très lourd en face et puis j'ai hâte d'y être pour la cérémonie parce que je la trouve belle et puis j'aime bien l'ambiance qu'il y a et puis ça, c'est bien de faire une émission musicale comme ça en prime time, ça me fait kiffer moi. Alors il y a Noémie Abergerac qui avait voté pour toi l'année dernière, qui a revoté cette année avec ses copines. Elle voulait savoir ce que tu ressens quand tu gagnes et que tu sais que c'est le public justement qui décide. C'est ça qui est important aussi au Energy Music Awards, c'est que c'est le public qui vote. Bah, c'est le plus beau en fait, c'est justement le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc bizarre, c'est vraiment le public qui fait tout et c'est et une reconnaissance du public. Ben, si un chanteur chante pas pour le public, il chante pour personne ou il chante dans sa jambe quoi. Donc c'est vraiment le plus belle récompense. Après, même si on n'a pas de récompense, le public a voté quand même. Donc quoi qu'il arrive, on sera content si tu veux. Et le public qui nous écoute cet après-midi sur Énergie, le public on le fait monter aussi sur le yacht Énergie, sur le bateau classe, hein, yachting boat, ici en direct du port de Cannes. C'est Jeanne qui est avec nous. Salut Jeanne. Salut. Alors Jeanne, je crois que tu avais une question pour Kinvé. Je te présente Kinvé, Jeanne Kinvé. Bonjour Jeanne. Jeanne. On t'écoute Jeanne. Si tu devais voter pour la chanson francophone de l'année, tu voterais pour qui? Ah. Je vais faire le faux cul, je vais dire moi. Non, mais attends. On dit que t'as pas le droit de voter pour toi. C'est pas mal comme question, ça, Jeanne. Alors, il y a Chaim, il y a Tal, Section d'Assaut, Jennifer et 1789. Ça serait Chaim ou Section d'Assaut. Ok. Ouais. Putain. Merci. Moi, j'ai un cadeau pour toi. Ah. Ton passe pour les NMA. Oh là là, applaudissements. Merci. Ouais. Ça c'est fair play parce que c'est ça que t'avais demandé. Toi ton anniversaire c'est la semaine prochaine. Ouais. Et t'avais demandé à tes fans un Energy Music Awards cadeau. Comme cadeau. Ah, c'est un beau cadeau pour les 30 piges. C'est toi qui file les places pour l'Energy Music Awards à Jeanne. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir, j'espère que tu t'amuseras bien. Oui. Et j'espère que tu seras là pour m'applaudir si j'en ai un. Oui, pas de problème. C'est canon, merci beaucoup Jeanne d'être passée sur le yacht Energy. Bonne soirée, bonne cérémonie. Avec peut-être un trophée pour Kinvé. T'es en tournée à partir du 15 octobre au Bataclan à Paris. C'est ouais. Important. Il y a une grosse année qui se prépare 2013. Hein. En fait, on commence par 4 petites salles et on fait Marseille, Nancy et Lille. Et le Bataclan et après en 2014 on verra pour une plus grosse tournée ouais. Et à ce soir pour la cérémonie des Energy Music Awards dans un instant Big Ali et Section d'Assaut, à tout de suite. Vos superstars préférés seront tout à Cannes ce soir pour les Energy Music Awards. Vous avez voté pour élire les artistes nominés. Vous avez voté pour élire les vainqueurs. Let's get the party started. Suivez la plus grande cérémonie musicale européenne sur TF1 et en simultané sur Energy. Let's go, go, go. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards 2013.